s'appelle IDEX, donc Initiative d'Excellence. On a besoin de, justement de réunir les universités, donc de Toulouse 2, de Toulouse 3, de Polytechnique, des sciences appliquées, du centre hospitalier universitaire, du centre européen de formation avancée en calcul scientifique, du centre national d'études spatiales et du centre national de la recherche agronomique et de Météo France. Pourquoi est-ce que l'on s'est intéressé à ça? C'est parce qu'en grande partie, on a remarqué que le fait de s'intéresser uniquement à, et de se focaliser sur Daniel Lacroix, sur les déni de démocratie, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà mobilisateur. Et je pense qu'on est tous dans cette salle capables de dire que c'est dégueulasse. Cela dit, c'est peut-être scandalisant, c'est peut-être mobilisateur, mais je ne pense pas que ce soit engageant à long terme, personnellement. Donc c'est un truc qu'il faut, sur lequel il faut se battre, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de donner des arguments sur l'IDEX pour que quand on va faire des débrayages et quand on va devoir discuter à l'extérieur de la salle avec toutes les personnes qui nous demandent c'est quoi la fusion, et que à la place de répondre uniquement on sait pas bien, c'est une fusion d'université. Déjà, je voudrais savoir qui est-ce qui a lu l'IDEX ici. D'accord. Ok. Qui est-ce qu'on a entendu parler? Ok. Ça me rassure. La question de Lacroix et du déni de démocratie scandalise, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que quand je parlais des propositions qu'il y avait dans l'IDEX, ça révolte. À partir du moment où on a lu le truc, on était énervés. C'est grave. Donc nous, personnellement, on n'a pu lire ce week-end que 20 pages. Et déjà, c'est beaucoup. Sur 55. Donc le truc, c'est que justement, sur la question de Lacroix et du déni de démocratie, on arrive à nous mobiliser au niveau des licenciés. Mais par contre, pour ce qui est des masters et des doctorants, ça va être très dur de leur donner des arguments là-dessus. Ça ne va pas les mobiliser. Et en plus de ça, si on doit aller faire de l'inter-universitaire et aller convaincre les personnes de l'UT3, par exemple, qui est une fac scientifique, il va nous falloir des arguments. Pour ça, on a cinq arguments qu'on a relevés, que Salomé, à côté de moi, va vous présenter. Il y a la trajectoire budgétaire, donc comment est-ce que le budget se répartit? Tu peux pas présenter aujourd'hui? Ok, donc on passe ça. Il y a les six axes stratégiques qui sont développés dans l'Université de Toulouse, donc l'agglomération de l'ensemble des universités et instituts. Elle va prendre l'exemple du CHU. On a une camarade la semaine dernière qui est venue nous présenter. On a une camarade la semaine dernière qui était venue nous présenter les conditions dans lesquelles ils sont. Ensuite, on va parler de la manière dont on va classer les chercheurs en fonction de leur capacité de recherche avec le FEP, Force Émergence Pépite. Donc c'est une catégorisation que vont avoir les chercheurs pour avoir des moyens de recherche. La division des étudiants en deux parties, insertion pro et insertion pro rapide et études longues. Et enfin, le catalogue de formation à destination des partenaires socio-économiques, donc des entreprises. Je passe la parole à Salomé. Bonjour à tous. Comme vous tous, j'étais contre la fusion, mais là j'ai lu 28 pages et puis analysé 20, en paraphrasant et en remettant en contexte chaque élément. Pardon, excusez-moi. Du coup, je vais vous parler d'abord des six axes stratégiques. C'est ce qui va guider en fait la recherche et à peu près toutes les formations aussi. C'est ces six axes stratégiques comme développement durable, des choses comme ça. Mais ce que je voudrais prendre comme exemple pour bien montrer qu'ils se foutent bien de notre gueule, c'est que le CHU est pris comme... carrément vous sortir le truc parce que c'est assez drôle. C'est le CHU, quant à lui, reprend dans son projet stratégique les priorités d'action retenues par le consortium de l'IDEX, l'initiative d'excellence du coup, pour mobiliser de façon convergente ses ressources, notamment pour abonder l'axe stratégique santé, guérir et vieillir en bonne santé. Quand on sait ce qui se passe là-bas, c'est assez révoltant. Donc on peut déjà noter ça sur les axes stratégiques. En ce qui concerne le classement des chercheurs en FEP, FEP, qu'est-ce que ça signifie? Je trouve mes notes. c'est Force, Émergence et Pépite. Les Forces sont les thématiques pour Toulouse qui ont une reconnaissance internationale ou une forte visibilité nationale et qui concentrent un grand nombre de chercheurs. Après, il y aura les Émergences. Ce sont ceux qui ont des compétences déjà présentes sur le site et qui sont appelés à devenir des leaders. Enfin, c'est dit comme ça dans le texte, hein. Dans les années à venir. Et puis les Pépites, une ou deux équipes leaders du domaine mondial reconnu à soutenir même s'il s'agit d'un petit nombre de chercheurs. Après, il y aura la division des étudiants entre ceux destinés à des études longues et ceux destinés à une insertion professionnelle rapide. C'est-à-dire qu'il y a tout un problème qui va s'appeler la formation tout au long de la vie. Vous avez entendu, la formation tout au long de la vie, qui permet en fait d'accompagner le parcours professionnel des étudiants dans un contexte de mutation d'organisation du travail. Enfin, notez, hein, parce que c'est vraiment écrit textuellement dans l'IDEX, page 18, si vous voulez vous y intéresser, en plus particulier, qui va être en fait, c'est les orientations carrément du programme IDEX et l'orientation prioritaire numéro 2 se constituera en fait à renforcer les capacités des étudiants à devenir demain des collaborateurs efficaces, parce que pour l'instant on n'est pas efficace apparemment, dans l'univers professionnel à travers de l'acquisition, l'évaluation et la certification de compétences comportementales, transversales et humaines, notamment les soft skills. Donc voilà, c'est sur quoi on va être évalué sur la suite. Et on aura, au cours de nos études, des propositions de réinsertion dans d'autres formations. C'est-à-dire qu'on sera contrôlé régulièrement sur des bilans de compétences et on aura un conseil en évolution professionnelle. Du coup, si vous voulez devenir chercheur ou que vous ne savez pas encore ce que vous faites et que vous êtes un peu planté dans vos partiels, on vous conseillera de changer de formation. C'est génial. Donc voilà. Et il faut savoir qu'on sera aussi catégorisé dans un catalogue de formations. Alors, je vous trouve ce petit passage. Non, du coup, c'est l'orientation prioritaire numéro 2, ça. Numéro 1. On sera, je vous cite le truc, un guichet unique offrant aux partenaires socio-économiques une meilleure visibilité de l'offre globale au sein d'un seul catalogue de formation. Et voilà, en fait, ces partenaires socio-économiques, ils auront le droit de choisir entre les formations dans lesquelles ils vont plus ou moins investir. Donc voilà, ça c'est juste un petit panel de ce qu'on a relevé dans les 20 premières pages, qui est lisible même si c'est entravé et emmêlé, je sais pas si ça se dit, entre plein de mots managériels qui insistent sur le rayonnement de notre université de Toulouse sur le mondial, donc on s'en fout. Bon, je passe après la parole à Delphine. Alors bonjour. Moi je suis Delphine, donc étudiante en musique à l'Institut de formation de musiciens intervenants, petite filière qui n'est pas très très connue. Mais bon, si vous voulez vous renseigner là-dessus, faites-le de votre côté, là on va parler du coup de l'IDEX. Donc je vais résumer à peu près ce qu'a dit Antoine et Salomé. Donc tout d'abord dans l'IDEX, je vous résume à peu près l'introduction déjà pour que vous ayez une mise en bouche du sujet abordé là-dedans. Donc on a déjà un vocabulaire effectivement qui est à moitié anglais et à moitié français et c'est surtout un vocabulaire de management. Donc la première question qui se pose, est-ce qu'on est une université ou une entreprise déjà. Donc c'est ce qui a amené à changer en fait. Deuxièmement, le projet a été soumis plusieurs fois au CA, au président, à l'université, une fois en 2009, une fois en 2012, une fois en 2013, ça a été refusé trois fois. Maintenant on nous le repropose. Pourquoi ça a été refusé? Donc d'abord, les premiers projets qui ont été rédigés du coup, par le président et par ses petits copains ne définissaient pas un périmètre d'excellence. Donc, périmètre d'excellence, c'est maintenant l'axe stratégique prioritaire du dossier Unity 2018, parce que le dossier ne s'appelle pas IDEX, il s'appelle Unity. Très joli. Donc, le périmètre d'excellence, c'est, comme a dit Salomé, toutes les filières en gros, être rentable pour les entreprises à la suite de notre formation et une fois qu'on aura le diplôme et qu'on va être intégré dans ces entreprises. Donc on avait aussi un second problème qui faisait que l'IDEX n'avait pas été accordé à l'Université de Toulouse. C'est un problème avec les communautés réfractaires. Donc je vous laisse deviner qui sont les communautés réfractaires. Je pense que j'en ai pas mal en face de moi, merci. Voilà, on a une université qui faisait partie du projet, qui est l'Université du Capitole, qui s'est rétractée du projet. On a une phrase là-dessus, dans le projet Unity. On ne nous explique pas pourquoi, je pense qu'il y a des bonnes raisons. Et je vous invite à penser aussi. Donc, je vais résumer les partenaires du projet. D'abord, on a l'université de Paul Sabatier, université de sciences, de technologie, de santé et de sport. L'INSA, l'Institut national de sciences appliquées. L'INP, Institut national polytechnique qui concerne les domaines de l'électronique, de l'informatique, de la chimie et de l'hydraulique. Donc là, on n'a toujours pas de traces d'histoire d'art plastique. Voilà. Ensuite, on a le CHU. Donc je ne vais pas revenir sur le CHU. Il y a une personne, le CHU, pardon, qui nous en a déjà parlé très très bien et qui est plus concernée par le sujet que moi, je ne suis pas très bien renseignée. Ensuite, les CERFAX, le Centre de recherche fondamentale et appliquée qui concerne les domaines de l'aéronautique, de l'automobile, de l'espace, de l'énergie, de l'environnement et du climat. Le CNES et le CNERA, Centre national d'études et de recherche appliquée qui concerne les domaines de l'agronomie. Et le dernier partenaire qui fait partie de cette joyeuse troupe, c'est l'UTJ2. Donc, qui concerne les domaines de l'art, des lettres, des langues, des sciences humaines, sociales et une petite partie de sciences et de technologies qui va sans doute être la partie qui est visée par l'IDEX. Hein, parce que le reste, je ne vois pas qu'est-ce que ça vient faire dans la santé, les sciences, la technologie, les sciences appliquées, la chimie, l'informatique et l'électronique. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus aussi. Si tu veux bien faire le petit schéma qui... Non, on n'a pas de quoi faire le schéma. Donc en gros, on a un projet... Les bureaucrates de notre université ont un projet pour nous qui s'appelle l'Université de Toulouse, donc qui va reprendre principalement l'Université de Jean Jaurès, l'Université de Paul Sabatier, l'Institut National Polytechnique et l'Institut National de Sciences Appliquées. Donc dans ce fameux diocèse d'IDEX, toujours, on a écrit dedans qu'on va conserver de ces quatre universités 80% du personnel académique et 85% des doctorants. Il nous manque 20% et 15% qui sont passés à la trappe, aucune explication, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Je vous laisse deviner encore une fois. Donc les moteurs de ce projet pour nos belles universités, nous avons la reconnaissance en tant qu'entreprise à rayonnement mondial. C'est où ? D'université, pardon, pas entreprise. Pour une meilleure visibilité dans les classements nationaux et internationaux. Donc je vais passer sur tout ça. En gros, vous avez bien compris que c'est un projet qui ne concerne pas les étudiants qui constituent cette faculté. Hein, ça concerne des étudiants qui travaillent sur la science, la technologie, l'ingénierie et tout ce bordel. Pas mieux. Donc on va vite fait parler d'une étude de cas, d'une université qui s'est soumise à ce projet de fusion, donc l'Université de Bordeaux. J'en parle parce que j'en viens. J'ai été étudiante en sciences à Bordeaux, ensuite j'ai été étudiante en musique à Bordeaux. Et j'ai vécu ce passage de fusion entre les universités. Alors qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Donc petite histoire de Bordeaux, on avait quatre gentilles petites facultés, Bordeaux 1 pour les sciences, Bordeaux 2 pour la médecine et la psycho, Bordeaux 3 pour les lettres, les arts, l'histoire, la géo, tout ça, je vous laisse faire le parallèle avec notre faculté, et Bordeaux 4 avec droit, économie et gestion. Donc leur projet de fusion, il a abouti, pour les merveilleuses raisons qu'on nous présente dans notre projet de fusion à nous. Donc les résultats, on va parler de Bordeaux 4, qui est très explicite en termes de résultats. Donc c'est un système qui se veut compétitif entre les anciennes universités, parce que maintenant c'est un seul groupement. Donc il y a eu un écrasement budgétaire à Bordeaux 4, donc un personnel qui est au bord de la dépression, parce que leur travail s'est vu doublé, parce qu'ils ont changé de site pour pouvoir faire leur travail correctement, ils ont dû s'occuper de plus d'étudiants, ils ont été confrontés à des personnalités qui ne leur ressemblaient pas, parce que pas le même fonctionnement au sein de l'université. Ces personnels-là ont été obligés de recandidater pour leur propre poste, qui avait simplement changé d'intitulé, mais qui était exactement pareil, avec une dose de travail plus élevée. Les doctorants, donc les principaux intéressés par les projets de fusion, ceux qui font de la recherche, n'ont pas été payés pour leurs travaux de recherche. Oui, je conclue, je finis dessus, je conclue. Donc ils n'ont pas été payés pour leurs travaux de recherche, donc au final ils se sont mobilisés pour mettre un barrage à ça. Certains ont été réglés au mois d'avril sur critères sociaux, donc ça ne concernait pas tous les étudiants. Et tout ça, ça a été à profit de Bordeaux 1, l'université de sciences et technologies, qui s'est vu offrir de nouveaux bâtiments, un nouveau personnel, et qui a prospéré par rapport aux autres universités. Donc, on peut très bien faire le parallèle ici. On va parler de Bordeaux 3, qui du coup s'est retiré du projet de fusion. L'université de lettres, d'art, de géographie et d'histoire, parce qu'ils ont vu de loin que leur budget allait être écrasé. Je pense qu'on peut voir exactement la même chose. Si on fait cette fusion et qu'on fusionne avec toutes ces universités, notre budget va être écrasé et nos filières vont mourir avec, et le personnel et les étudiants. Au profit de qui ? On peut se demander. Donc, on va passer un petit peu sur tout ce pessimisme et on va se rappeler que l'université, c'est une éducation pour tous. Donc, je vous invite à en parler avec les étudiants qui sont dehors, qui n'en ont rien à faire, qui ne se sentent pas concernés et qui ne connaissent pas le sujet. Et se souvenir que la fusion des universités, ça signifie une meilleure répartition budgétaire pour des pôles d'excellence. Donc des pôles de rentabilité et de production, c'est-à-dire des pôles scientifiques et technologiques, et pas des pôles avec des étudiants qui ont une façon de penser qui est libre et créative. Donc pour tous ceux qui veulent se joindre à la lutte et qui veulent se battre, je vous invite à prendre vos voix, vos stylos, ce que vous savez faire, tout ce que vous savez, et mobilisez-vous, parlez-en, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a trois courtes interventions qui vont être faites avant l'ouverture du débat avec l'ensemble de l'amphi. Suzanne en premier, ensuite les personnels en grève. Combien d'interventions ? Une à trois voix, donc ça fera une minute par personne. Et ensuite le CHU, la délégation, elle est là. Voilà. Donc c'est parti. Deux minutes, c'est bien ? Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Suzanne, je fais partie de l'UNEF, le syndicat étudiant, et je suis également élue à la commu. Et donc je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé vendredi dernier à propos du vote électronique. Je n'ai pas vocation à faire très long, promis. Mais donc la commu, c'est la fédération d'universités qui était en charge de déposer le dossier IDEX. Donc dedans, il y a toutes les universités et les écoles qui sont concernées par le projet IDEX et par la fusion des universités. Mais il y a aussi l'Université Toulouse 1, par exemple, et tout un tas d'autres acteurs qui ne vont pas du tout être dans la fusion. Vendredi dernier, ce qui s'est passé, c'est qu'encore une fois, la voix des personnels et des étudiants et des étudiantes mobilisés contre la fusion a été absolument ignorée. C'est-à-dire que, alors que vendredi, on a envahi le matin le conseil d'administration pour qu'il n'ait pas pu se tenir, le président, le directeur de la commune, a décidé de quand même organiser le vote sur le projet IDEX pour qu'ils puissent déposer le dossier aujourd'hui, ce qu'ils ont fait ce matin, je crois. Par voie électronique. Et donc tous les élus et toutes les élus ont été amenés à voter sans débat pour ou contre le projet du label IDEX. Et donc c'est une procédure qui est absolument scandaleuse et qui, encore une fois, refuse d'écouter la voix ultra majoritaire des étudiantes et des étudiants et des personnels mobilisés contre la fusion. Et donc notre réaction face à ça, ça a été avec l'UNEF, mais également avec la CGT et la FSU, qui avons tous les trois des élus dans la commune. Ça a été de publier un communiqué pour expliquer que nous refusions de prendre part à ce vote parce que c'est de la merde et c'était illégal. Donc on est en train de tenter des procédures pour faire péter le vote et pour le faire reculer, mais c'est pas gagné, mais on tente le coup. Mais en tout cas, on a refusé de prendre part à ce vote et c'est un appel qui a été plutôt suivi parce qu'il y a eu plus de 20 personnes qui n'ont pas pris part au vote lors de ce conseil d'administration. Et donc malgré tout, le vote sur la fusion, sur le dépôt du projet IDEX est passé par voie électronique. Et donc ils ont déposé ce matin le projet IDEX. Voilà. Merci beaucoup. On laisse la parole à l'intersyndicale des personnels. Bonjour, nous étions donc réunis aujourd'hui en intersyndicale, CGT, FSU, FO, UNSA Sud. Et nous avons voté à l'unanimité la reconduction de la grève jusqu'à demain 10h avec une AG. Nous avons aussi voté le rassemblement devant la présidence personnelle et étudiant parce qu'une délégation est reçue par la présidence et nous allons demander que des garanties que le président s'engage et garantisse qu'il n'y ait pas de pression et sur les personnels et sur les étudiants. Bonjour, juste pour préciser, c'est bien l'Assemblée Générale, enfin l'intersyndicale, qui a fait ses votes tout à l'heure. Juste pour rajouter, alors déjà, c'est assez bien de voir que vous faites mieux le boulot que nous. vous mettez sur votre tableau ce que nous on vote, c'est vraiment super. Au moins, ça montre une convergence concrète et logistique dans la menée de cette bataille, c'est très bien. C'est très court, non, mais c'est pour dire que l'une des choses qui était importante pour nous aussi, c'était, comme vous l'avez fait dans votre AG précédente, de voter nous aussi largement le principe d'une assemblée générale commune mercredi. De façon plus générale, la construction de notre convergence ne doit pas seulement se faire dans le cadre de ces AG, mais dans toutes les actions, les rassemblements et plus si affinités. C'est un ingrédient absolument majeur du combat qu'on est en train de mener et de la victoire telle qu'on va l'obtenir. Et enfin, pour dire que je trouve que finalement, il y a une chose qui est bien dans le document de l'IDEX qui a été lu, c'est bien nous identifier comme communauté réfractaire. C'est ce qu'il faut revendiquer et le revendiquer jusqu'au bout. Juste pour finir sur la continuité de la mobilisation étudiant personnel, donc on a aussi voté d'appeler à une journée d'action dans l'enseignement supérieur contre le projet IDEX-UT, mais aussi contre les attendus, la sélection ALE et toute la merde du plan étudiant qui sont en train de vouloir mettre en place à l'Assemblée nationale. Et donc on appelle au niveau intersyndical jeudi à 14h à une manif ici à Toulouse, des universités de Toulouse. Donc c'est clair que là, on veut mobiliser, y compris les collègues de Toulouse 3, de Nice, de l'INP, qui ont du mal à se mobiliser dans leur établissement, mais qui sont avec nous. Ils étaient avec nous vendredi matin quand on a envahi le CA de la commune, et on a très bien fait tout ce qui s'est passé après. Et donc voilà, donc on appelle à se mobiliser, et donc sur toutes les attaques dans l'ESR, on appelle à une manif à 14h, donc jeudi 21 décembre, et on espère que vous serez avec nous et tous ensemble contre cette merde qui se met en place maintenant. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, merci de nous recevoir. Là, on est en délégation des grévistes de l'hôpital, donc de deux services, hein, d'un service de pédopsychiatrie qui est en grève depuis 13 jours, et du service des transporteurs 801 qui est en grève depuis 63 jours maintenant, donc en grève totale pour la plupart d'entre nous, ce qui au sein de l'hôpital n'est pas fréquent parce que, comme vous le savez, il y a une continuité de service, donc la plupart du temps ils nous réquisitionnent. Là on a réussi à éviter ça, ce qui fait que nos grèves ont des conséquences importantes sur l'hôpital, mais on a en face de nous une direction qui n'est pas décidée à lâcher. On a appris vendredi dernier que notre directeur général nous quittait. Alors on n'est pas triste qu'il nous quitte, mais quand on voit où il part, on comprend mieux, c'est-à-dire qu'il va devenir directeur de cabinet de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à partir du 2 janvier. Joie et bonne humeur, mais on est rassurés, il a fait un communiqué disant qu'il servirait son hôpital jusqu'au bout avec passion. Donc on s'attend évidemment à ce qu'il cède à nos revendications. Bon, mais le bras de fer, il est clairement engagé avec la direction de cet hôpital. Si on est là aujourd'hui, on n'est pas nombreux, mais vous adressez notre soutien, parce que ce qui se passe à l'université, en vérité, c'est pas bien différent de ce qui se passe dans la santé aujourd'hui. Le service public aujourd'hui est en train d'être détruit. La privatisation, elle est rampante, donc il faut bien évidemment que tout le monde se mobilise, essayer de convaincre le plus largement autour de nous, nos collègues, pour vous, les collègues personnels, les autres étudiants, pour faire face à toutes ces attaques. Et le lien, il est important parce que la santé, l'éducation, c'est pas des secteurs où doit y avoir des économies. Voilà, c'est pas normal. Ça devrait être accessible à tous, à toutes, et on voit bien que ce qui se passe ces dernières années, c'est pas le cas. Donc merci encore, et on vous invite, si vous le souhaitez, on l'a fait tout à l'heure à l'Assemblée Générale des Personnels qui ont accepté d'y participer. Demain à 7h, comme depuis maintenant lundi la semaine dernière, on bloquera l'Hôtel Dieu, qui est le siège de la direction du CHU de Toulouse. On vous invite à nous y rejoindre à 9h. Plutôt pour ceux qui veulent, mais au moins à 9h, parce que demain en plus c'est une journée importante, il y a plein de réunions dans la journée où vont venir tous les directeurs des hôpitaux du département. Donc c'est un enjeu important. En tout cas, bon courage à vous et merci. On ouvre le tour de parole. Comme ça, on se laisse quand même une grosse demi-heure encore pour avoir les discussions entre nous sur la suite. Donc le tour de parole peut s'ouvrir avec... Mohamed. Ok, bah, écoutez, bonjour. Donc moi c'est Mohamed, je suis en troisième année en sciences humaines. Alors juste avant de commencer mon intervention, je voudrais juste demander... Je sais que la fac ici, c'est la fac de la liberté et tout ça, mais juste les personnes qui fument, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aller fumer à l'extérieur? Parce que franchement, tout à l'heure, ça sent et c'est vraiment pas agréable pour les gens qui ne fument pas. Donc voilà, merci. C'est la première des choses. Et ensuite, donc, pour en venir à mon intervention, c'est que j'étais là la semaine dernière et il y avait beaucoup plus de monde que ça. Alors, je ne donnerai pas forcément mon point de vue sur le projet. Mais je pense que ça souligne quand même quelque chose. C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une mobilisation dans la fac, on va dire après 5 ou 6 AG, les mobilisations se sont éteintes. Et donc quand on y réfléchit, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à une autre façon, peut-être de faire vivre la démocratie étudiante. Voilà, est-ce qu'on est légitime quand on est 200, 300 à voter dans une AG le blocage et la grève de tous les étudiants de la fac? Voilà, c'est une question à laquelle il faudrait peut-être qu'on réfléchisse. Alors, est-ce qu'on considère qu'une AG, c'est suffisant? Est-ce qu'on considère qu'on devrait plutôt ouvrir ça au vote des étudiants avec la présentation de la carte d'étudiante? Voilà, ou que ce soit à l'entrée de la fac ou à l'entrée des EFR. Et donc voilà, moi, je voudrais juste qu'on mette à la proposition de vote. Donc, faire un vote avec carte étudiante et un vote à bulletin secret. Et la deuxième chose que je voudrais qu'on mette au vote, c'est que s'il doit y avoir un mouvement, ce serait bien que ça ne soit pas fait sous la bannière d'un parti politique. Parce que moi, je ne me reconnais pas personnellement dans un parti politique. Voilà. Mais je peux me sentir concerné par ce qui se passe dans la fac. Et je pense qu'à chaque fois qu'il y aura une bannière politique ou un parti politique qui voudra, vouloir s'approprier le mouvement, ben, je pense qu'il va s'éteindre parce que d'une part, toutes les personnes en fait qui ne sont pas politisées ben, vont se mettre de côté. Voilà, merci. Marina. Bon, du coup, Marina, étudiante en philo et militante politique, désolée, je demande le droit de m'exprimer quand même. Déjà merci aux camarades du CHU, moi je soutiens leur proposition de les rallier demain à 9h, ça me semble important de réaliser la convergence et par ailleurs on pourra leur apporter les 300 euros qu'on a récoltés la semaine dernière en assemblée générale. Moi je voulais intervenir un peu sur les perspectives parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de débat, je pense qu'il faut qu'on s'organise un peu pour la suite. Donc déjà la première chose c'est qu'en termes de temporalité, je pense qu'effectivement c'est une mobilisation de long terme qu'il faut construire et qu'à la fois il y a un enjeu, c'est ce que je disais déjà un peu la semaine dernière, à taper fort avant les vacances et à obtenir des victoires, y compris ce sera le meilleur moyen pour être plus nombreux en Assemblée Générale, je pense que c'est quand on a des victoires qu'on peut être plus nombreux, et notamment de mettre la pression sur Daniel Lacroix qui est tout seul, qui est un peu chaud aux fesses, quoi, et je pense qu'il faut continuer à lui mettre bien la pression. Donc du coup je propose deux choses, la première chose c'est de revoter la reconduction de la grève et de la rendre effective. Et donc pour ça, moi je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir quels sont, de combien de forces on dispose et comment est-ce qu'on peut essayer de réellement bloquer le fonctionnement de la fac. Et ça passe à mon avis par bloquer les centres un peu névralgiques et stratégiques de l'université. Donc ce matin en assemblée générale des personnels, il y avait des propositions de bloquer les services d'attribution des salles, de la DETIS, de l'ENT, etc. Donc je pense qu'il faut réfléchir en lien avec eux et qu'on passe un peu à des actions de blocage pour rendre effective la grève. La deuxième chose, à mon avis, c'est un point qui est très positif dans cette mobilisation, c'est la convergence entre les travailleurs de l'université, notamment les personnels, et les étudiants. Et à mon avis, c'est quelque chose, la proposition d'AG en commun mercredi, qu'il faut soutenir et qu'il faut approfondir, parce que c'est des liens qui, non seulement pour cette mobilisation, mais même pour la suite, sont vraiment un point d'appui, à mon avis, pour les prochaines mobilisations au Mirail. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est de rythmer cette semaine de mobilisation avec une proposition d'organiser une soirée mercredi soir dans cet amphi, une soirée qu'on pourrait organiser en lien avec les personnels de l'université pour faire vivre la grève, pour convaincre nos camarades et nos collègues qui ne sont pas encore convaincus. Donc c'est une proposition que je soumets mercredi et ce sera également l'occasion d'inviter les copains et copines grévistes du CHU et voilà, de faire une soirée un peu de convergence mercredi pour se donner des forces avant les vacances. Voilà. Et Bonjour. Bonjour. Alors j'ai écrit un texte, je sais pas trop. Enfin, je me lance, je sais pas trop comment il va être interprété, il est pas parfait, c'est un peu embrouillon, mais j'avais envie de vous lire. Alors, il y a une question qui bloque pour moi, et j'en ai discuté avec plusieurs personnes. Dans cette société de l'individualisme, nous sommes poussés à avoir peur, et peut-être parfois honte de l'autre, de l'inconnu. Comment faire pour casser ces barrières? On peut passer par le débat, la discussion, c'est d'ailleurs la base de cette construction. Mais je pense qu'il est surtout essentiel de vivre avec les gens. Là, on est tous inconnus. On se croise à la fac, on ne se parle pas en se voyant, mais pourtant, on est tous un peu pareils. Chacun a des faiblesses, des atouts, des défauts, des sensibilités différentes, mais on en a tous. Quand on fait une occupation, par exemple, on vit quelque chose que l'on ne connaît pas dans notre société. L'échange, l'acceptation, et voir qu'au final, ben ouais, on est tous un peu les mêmes. De là, on se crée une certaine confiance en l'autre, puisqu'on le connaît, et c'est comme ça qu'on crée une réelle cohésion, horizontalité, et qu'on comprend un peu la vie. Attends. Désolée. Le changement arrive par la déconstruction des rapports sociaux actuels. J'en ai un peu marre de voir des gens pleins de charisme venir faire applaudir les foules. Ça ne crée pas de la cohésion réelle, et elle n'est qu'éphémère et pour moi, artificielle. Ça ne sert qu'à donner une certaine image qui voudrait que les habitués, les anciens, impulsent toujours les idées de lutte. Je ne les renie pas, mais je pense fondamental, voire essentiel, de rappeler aux personnes nouvelles ou qui n'ont jamais osé vraiment s'engager que leurs idées sont les plus bénéfiques et les plus utiles puisqu'elles sont elles aussi nouvelles. On ne rappelle pas assez également que les discours parfois techniques politiquement, par exemple, ne valent pas plus que les personnes qui ne savent pas ce que signifie APL. N'attendez pas de trouver le leader, les leaders qui vont vous montrer la voie, créer la vôtre en expérimentant. Alors venez, on fait une occupation. Aria, master de sociologie. Pour répondre déjà tout à l'heure par rapport à la mobilisation, qu'on est de moins en moins, et que ça se passe toujours comme ça, et qu'il faut changer par rapport au vote et tout. Un vote à carte étudiante, un bulletin secret, ça a été fait il y a 2 semaines, les 6 et 7 décembre. On voit ce que ça a donné. Ça a donné la mobilisation actuelle, en fait. La question, c'est pas de savoir comment est-ce qu'on vote, comment est-ce qu'on se... Est-ce qu'on est assez ou pas assez? Est-ce que si? Est-ce que ça? De toute façon, nous, on a un mandat clair de 16% des étudiantes et des étudiants, de 50% du personnel de l'université. À partir de là, on veut le faire respecter. On veut faire respecter la démocratie, on veut faire respecter le fait qu'on est contre ce projet. Je vais pas parler de ça. Déjà, très rapidement, on avait voté la semaine dernière qu'on devait envahir tous les conseils. Il y a un conseil de langue qui se tient en ce moment, donc ce que je propose, c'est qu'avant d'aller à la présidence tout à l'heure, on passe au conseil de langue pour le faire annuler. Après, ce sur quoi je voulais surtout parler, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une pétition qui tourne actuellement, signée par des enseignantes et des enseignants-chercheurs, nous expliquant qu'il faut être, donc, qui sont pour la fusion, sur des bases de respect démocratique, sur des bases que, grosso modo, ce sont les conseils qui sont démocratiques et pas nous, sur des bases de... leurs conditions se précarisent, et nous, on ne comprend pas ça. Donc nous, étudiantes et étudiants qui travaillons à côté, on ne comprend pas que les enseignants-chercheurs voient leurs conditions se dégrader et que c'est pour ça qu'il faut accepter la fusion. Bref, c'est un ramassis de merde. Je vous invite à le lire, c'est trouvable sur Facebook, sur la page de l'UET, sur la page d'InfoLutte, il y a eu une réponse et dedans il y a la pétition. Mais du coup, à ces enseignantes et enseignants-chercheurs qui essayent de nous expliquer la vie, qui essayent de nous expliquer comment est-ce qu'on se mobilise, c'est-à-dire en ne faisant rien et en se résignant, je vous propose une action dans la semaine, peut-être mercredi après l'AG enseignant personnel, à direction de ces enseignantes et enseignants-chercheurs. Je vous laisse deviner le lieu dans lequel je parle, et je pense qu'on peut préparer cette action en comité de mobilisation. Merci. Donc bonjour à tous, moi c'est Julien. Julien, donc je suis étudiant en master histoire, donc préparation pour l'enseignement, bon, par ailleurs militant syndical et politique, mais cela n'est pas l'essentiel. Je voudrais d'abord remercier donc, l'organisation de la façon dont s'est organisé l'AG, c'est assez rare, puisqu'on a eu des étudiants qui ne sont pas forcément syndiqués ni dans un parti politique, qui ont pu faire de la pédagogie sur le projet, ce qui n'a pas forcément pu être forcément fait. Malheureusement, on n'avait pas eu assez de monde à la réunion d'information qu'on avait fait au préalable du vote sur la consultation. Merci d'avoir recentré ça sur une problématique nationale. C'est-à-dire que la question de l'enseignement supérieur, elle n'est pas sanctuarisée. On s'inscrit dans une politique globale qui est la casse en fait de tout un tas d'acquis. Donc, par exemple, effectivement, l'accès à l'université pour toutes et tous. Les camarades syndiqués, ça me permet d'enchaîner sur ce que les camarades syndiqués tout à l'heure ont dit, sur la question du plan étudiant qui va arriver bientôt. Là, ils sont en train d'en débattre à l'Assemblée nationale. Donc je vous invite à aller regarder un peu les débats qui se font en ce moment à l'Assemblée nationale. Ça s'inscrit aussi dans ce projet IDEX. C'est-à-dire qu'effectivement, le projet IDEX, on va créer effectivement des filières d'excellence pour lesquelles effectivement on donne des sous parce qu'ils sont innovantes et tout. Ils vont permettre de faire rayonner l'université sur le classement de Shanghai. Enfin bref, tous les délires totalement libéraux de la compétitivité, qu'on va maintenant mettre dans l'enseignement supérieur. Le plan étudiant, c'est une mesure de plus pour introduire la question de la sélection à l'université, parce que derrière, il y a des politiques de réduction des moyens qui sont là. Depuis des années, avec les RGPP, donc la réduction générale des politiques publiques, on coupe les budgets partout. Et donc, c'est une manière, effectivement, de privatiser l'enseignement supérieur, et au détriment des classes populaires et des plus précarisées, des étudiants qui sont obligés forcément de salariés au quotidien et qui vont être handicapés forcément dans leurs études. Donc j'appelle effectivement, en proposition de vote, à demander aussi le retrait immédiat du plan étudiant et également bon, je vais le dire quand même, hein, même si effectivement c'est un peu moins... Bon, déjà ça va être compliqué effectivement, mais il faut qu'on se mobilise et j'invite tout le monde à se mobiliser sur cette question et même à aller chercher dans les lycées qui vont être les premiers concernés. Je demande également la démission immédiate et sans condition d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Léo ? Moi, je partage les deux interventions précédentes qui viennent d'être faites. Juste à mon avis, voilà, faut que nous on ait une tension pour arriver à casser cette rhétorique, parce que bon, il y a un problème énorme dans la pétition que fait passer le président. C'est le premier truc qui dit que voilà, la fusion, c'est ça va pas aggraver les questions de la précarité, etc. Évidemment, ce truc-là, c'est faux. On en a déjà discuté. Mais le deuxième truc, c'est la rhétorique qui vise à dire que au manque de moyens énormes dans les universités françaises, etc., la seule solution, c'est d'accepter et d'encourager la libéralisation de celle-ci, alors même que la faillite et le manque des moyens à l'université, c'est un truc qui est sciemment organisé depuis des décennies, en coupant les budgets, en faisant fonctionner les universités à flux constant pendant que le nombre d'étudiants augmente, en autonomisant les universités pour qu'elles soient en concurrence les unes vis-à-vis des autres, que les présidents se comportent comme des petits patrons qui licencent, enfin qui suppriment des postes, qui précarisent les conditions de travail, etc., etc. Donc oui, moi je suis pour ajouter à notre programme, à notre cahier de revendications, le retrait du plan étudiant, c'est quelque chose de fondamental, mais je suis aussi pour rajouter l'exigence qu'on augmente d'urgence et massivement le budget à l'enseignement supérieur et la recherche, qui est la seule et unique réponse qu'on peut apporter, en fait, enfin, qui peut répondre au problème du manque de moyens, etc., évidemment. Et au-delà du fait que, évidemment, pour obtenir ça, ça va nécessiter un rapport de force énorme, à échelle nationale, etc., se fixer ça comme objectif de lutte, la question du plan étudiant et la question de l'augmentation des moyens dans l'université, parce que y compris on sait que de l'argent il y en a. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines il y avait les fameux Paradise Papers qui montraient un peu voilà, que du pognon il y en a à foison, Mais celui-ci, que cet objectif de lutte, ça permet y compris d'arriver à entraîner, en tout cas de répondre aux problèmes des personnels qui se font foutre la pression par la direction, par la hiérarchie, en leur expliquant que la mobilisation actuelle, elle va aggraver le problème du manque de moyens parce que l'IDEX y apporte une solution. C'est aussi une adresse à toutes les facs de France, parce qu'il faut qu'on arrive à briser notre isolement, toutes les facs de France, il faut qu'elles se mobilisent à nos côtés pour faire reculer le gouvernement Macron. Et c'est y compris un moyen de démasquer la croix qui a rien d'un sauveur, comme il cherche à se le faire prétendre, quelqu'un qui va apporter une réponse au manque des moyens, mais que Macron et la croix ont le même combat. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis en L2 sciences de l'éducation. Alors sachez que prendre la parole ici, ça me fait très peur, je suis pas à l'aise, mais l'IDEX, ça me fait encore plus peur. Moi, je tente. Merci. Moi, j'ai hésité à prendre la parole parce que mon idée, elle me paraissait farfelue et je dis non. Mais quand je vois cette pétition nationale, dont j'ignorais l'existence, je me dis qu'en fait, mon idée n'est pas si farfelue que ça, enfin, en tout cas, j'espère pas. Ce serait pourquoi pas de. Voyant que M. Lacroix ne nous écoute pas, de faire passer notre mouvement. Par le JT de 13h ou de 20h directement. Parce que finalement, personne ne nous écoute, enfin en tout cas, la Croix ne nous écoute pas. Et j'ai peur que toutes nos mobilisations, là, finalement, ne servent à rien. Et je veux vraiment pas de cette IDEX, c'est hors de question. Je ne vois pas changer d'université à cause de ça. Je viens d'Albi, je suis venue ici, c'est vraiment parce que l'université me plaisait. Et donc, voilà, mon idée serait, pourquoi pas, de le faire passer par des journalistes du journal de 13h ou de 20h directement. Pour faire davantage pression. Voilà. Bon, merci. Bonjour, je m'appelle Ryan, je fais partie de l'UET. Et alors d'habitude, je fais des petites interventions rigolotes. Et aujourd'hui, non, pas du tout. Parce que j'ai réalisé, je le savais déjà, mais ça m'agace un peu, qu'en fait, c'est pas drôle ce qui nous arrive. Pas drôle du tout. En fait, ce qui nous arrive depuis un an, ce sont les pires attaques à l'université qu'on ait connues depuis hyper longtemps. C'est d'abord le contingentement en première année de licence qui est voté. Donc ça fait que toutes les premières années de licence, maintenant, elles ont un numéro clausus et elles n'acceptent que 200, 300, 400, 500 personnes. Au premier arrivé, premier servi. Yeah. Ensuite, c'est la sélection en Master 1 qui a jeté des milliers en fait, d'étudiants, mais à la rue, en fait. À la rentrée, c'était plus de 5000 entre les L1 et les Master 1 à pas avoir de place en université. Il y a le plan étudiant maintenant qui prévoit de nous faire nos années de licence en pièces détachées, en fait. Il y en a qui vont faire 2 ans, il y en a qui vont faire 4 ans, on ne sait pas. Voilà, ça sera en fonction de tes notes au lycée. Moi, j'étais pas très bonne au lycée, donc je pense que j'aurais fait 5 ans de licence. Bon, alors, c'est ce que je suis en train de faire, donc voilà. Tout ça tient. Et c'est pas drôle, pas drôle du tout, quand en fait t'accueilles des étudiants en début d'année qui te disent « En fait, si je suis pas inscrit, eh ben je perds mon titre de séjour et je dois retourner dans le pays dans lequel j'ai pas vécu depuis 3, 4, 5, 6 ans. » En fait, c'est pas drôle quand il y a des étudiants en situation de handicap qui te disent que leur handicap n'a pas été pris en compte lors de la rédaction de la lettre de motivation qu'ils devaient envoyer et que du coup, ils sont refusés de Master 1. C'est pas marrant du tout ce qui nous arrive. C'est pas marrant du tout. La fusion, c'est pas drôle du tout. Je suis extrêmement en colère. Extrêmement. C'est pas drôle parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de gagner, tout ce pourquoi on s'est battu pour le gagner, pour arriver à avoir le moindre petit droit qu'on est là comme ça à batailler. Regardez là, vous croyez qu'ils vont accepter qu'entre les étudiants de Paul Sabatier et les étudiants du Mirail, il y ait de telles différences de droits parfois? Ils vont jamais accepter ça. Le changement de prénom pour les personnes trans, tu peux l'oublier? La prise en charge du harcèlement sexuel, tu peux l'oublier? Et ça, c'est important aussi pour nous. C'est pas drôle du tout ce qui est en train de nous arriver. On devrait être complètement en colère. Et voilà, c'est une intervention en colère que je fais, mais vraiment en colère. Parce que je me dis, en fait, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un peu moins de monde aux âgés, etc. On est toujours un peu étonnés. Mais là, en fait, si on se bouge pas le cul, je sais pas comment le dire autrement, mais si on se bouge pas le cul, en fait, dans 2 années, dans 3 ans, dans 5 ans, même dans 15 ans, quand un jour j'aurai des mioches peut-être, eh ben je serais bien emmerdée pour leur expliquer pourquoi l'université maintenant c'est la merde. Je serais bien emmerdée, je leur dirais, c'est passé quand moi j'étais étudiante et j'ai rien fait. Alors, en fait, j'ai fait quelque chose. Et à se mobiliser, vraiment. Mais là, il ne faut plus que... ce matin, on était 7 pour tracter. Non, il faut qu'on soit 46. D'accord, j'arrête. Et pas du tout, j'arrête et j'ai fini. Joachim. Bonjour à tous, je suis une petite inter parce que je voulais revenir en fait sur un truc dont on avait parlé l'autre fois, je crois qu'on n'en a pas reparlé aujourd'hui, c'était l'idée d'aller faire un tractage à Paul Sabatier, parce que en effet j'étais assez d'accord avec ce qui avait été dit dans les intros, que nous on va beaucoup plus douiller en fait sur la fusion, que Paul Sab évidemment eux ils ont des matières qui sont vendeuses aujourd'hui dans l'industrie ou dans l'économie en général, donc ils vont être mieux lotis par rapport à ça, mais il faut pas oublier que finalement on est touché de la même manière par la sélection et par toutes les merdes qui ont été énoncées aujourd'hui, le plan étudiant ou tout ce que peut contenir la fusion. Donc je pense que c'est important aussi de faire, comme ça a été dit, de désenclaver un peu notre lutte et de la porter même déjà avant le niveau national, peut-être déjà au niveau des facs concernées par la fusion. Donc voilà, je pense que je ne sais plus à quel moment on l'avait prévu, en fait c'est un peu pour revenir là-dessus, le rappeler, que c'est important qu'on marche aussi déjà, on sait très bien qu'on marche main dans la main avec les personnels. C'est important de le faire aussi avec les autres facs. Voilà, merci. Et bonjour, je m'appelle Nino, je suis étudiant en philo et en histoire. Et c'est la troisième ou la quatrième AG, je ne sais plus à laquelle je viens. Et globalement, je vois toujours les mêmes personnes prendre la parole. Je pense que vous voyez aussi qui c'est si vous êtes venu aux AG précédentes. Il y a toujours une dizaine de personnes qui prennent la parole, qui appartiennent toutes aux mêmes organisations, ou voire aux mêmes parties. Et je pense que c'est un peu dommage, et je voudrais rebondir sur la proposition du camarade qui a parlé précédemment, en premier, sur le fait que je vois pas ce que ça démocratique en fait, cet AG, puisque déjà on est une extrême minorité par rapport à la fac, et ensuite on a une énorme domination de certaines personnes sur la prise de parole. Je ne les citerai pas, mais vous voyez de qui je veux parler. Et je pense que, on faudrait peut-être remettre en question la légitimité qu'on croit avoir, enfin, que cet AG croit avoir, pour voter des choses comme le blocage ou la grève, quand on sait qu'il y a plusieurs milliers d'étudiants qui sont dehors en cours ou sur le campus et qui n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer ici. Voilà, donc je pense que l'idée de faire un vote sur la représentation de la carte étudiante et à bulletin secret est loin d'être stupide ou dérisoire. Ou utopique, parce que là, pour l'instant, on ne représente que nous-mêmes, et encore, que nous-mêmes, à travers certaines personnes qui ont l'habitude de prendre la parole en public. Merci. Donc, le tour de parole est épuisé. Merci à tout le monde pour ces interventions et ce débat. On va passer au vote. Comme on fait d'habitude, on va voter, est-ce qu'on reconduit ou pas la grève qu'on a votée jeudi dernier, la proposition étant de la voter jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra donc, selon la proposition qui est faite, mercredi à 12h30 ici même. Et on votera après si on est d'accord pour la faire avec les personnels ou non. Donc sur la reconduction de la grève étudiante jusqu'à mercredi 12h30, qui ne prend pas part au vote ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc nous sommes toujours en grève jusqu'à mercredi 12h30. Donc on vote maintenant la modalité. Est-ce que l'AG de mercredi se fera en commun ou non avec les personnels, donc 12h30 dans cet amphithéâtre ? Donc sur cette proposition-là, qui ne prend pas part au vote ? Qui est favorable à ce qu'on fasse une assemblée générale commune avec les personnels ? Qui est contre cette proposition ? Qui s'abstient ? Donc la prochaine assemblée générale sera organisée en commun avec les personnels en grève. Alors là, c'est deux propositions en une. À 14h, une délégation des personnels à laquelle ils ont proposé d'ajouter une délégation des étudiants et étudiantes, qui sera donc composée, est reçue à 14h à la présidence par Daniel Lacroix himself. Voilà. Sauf que dans le même temps est en train de se tenir un conseil à l'UFR Langue, Littérature et Civilisation étrangère. Et donc la proposition serait en se rendant au rassemblement à 14h à la présidence, est-ce qu'on ne ferait pas un crochet par le bâtiment des langues pour faire annuler ce conseil, comme l'ensemble des conseils du FR ont été annulés, je le précise, depuis la semaine dernière. Attends. Il n'y avait pas le quorum. Il y a des votes ou pas? Ok. On peut toujours passer par le bâtiment des langues pour dire « Salut, on est là ». Bon, c'est un conseil qui apparemment ne vote pas, mais ça ne coûte rien d'y passer. Donc on vote en deux temps ou on vote tout d'un bloc comme, En deux temps. Ok. Donc, qui est pour se rendre avec les personnels à la présidence après l'Assemblée Générale? J'ai pas fait une preuve à part au vote. Donc, qui ne prend pas part au vote sur ça? Qui est pour se joindre au personnel à la présidence maintenant pour soutenir la délégation reçue par le président Daniel Lacroix? Très bien. Qui est contre cette proposition? Pardon. Qui s'abstient? Donc à la suite de l'Assemblée Générale, on vous propose toutes et tous de vous rendre à la présidence pour soutenir la délégation et rejoindre les personnels au bâtiment de la présidence. En chemin pour aller à la présidence, on propose donc de passer par le bâtiment des langues. Donc sur cette proposition-là, pour aller interpeller le conseil du FR de langue, je précise, sur cette proposition-là, qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et bon, c'est globalement divisé, mais peut-être il faut dire si jamais à la fin ça ne remporte pas l'adhésion de tout le monde, autant rester tous groupés pour aller à la présidence plutôt que de se diviser en un groupe qui va en langue, un groupe qui va. Parce que j'ai vu autant de ne prend pas part au vote que de pour que d'abstention. Donc si les gens ne savent pas, autant qu'on aille directement à la présidence, puisque le conseil de langue a priori n'est pas décisionnaire, donc ça revêt un caractère secondaire. Donc si ça fait consensus, on ira directement ensemble à la présidence juste après l'Assemblée Générale. Ah, donc notre délégation d'élus en langue est donc arrivée. Donc il n'avait pas le quorum. Du coup, rien n'a été voté. Donc ce conseil ne sert à rien. Donc on va voter en priorité les futures actions de la semaine, comme ça tout le monde a bien en tête le calendrier. Et ensuite, si on a le temps, on fera voter ce qui nous semble votable, parce qu'il y a des propositions dont on pense que c'est du bon sens, et on va pas forcément perdre de temps pour les voter. Donc première proposition par ordre chronologique, se rallier demain à l'action des grévistes du CHU de Toulouse à 9h à l'Hôtel Dieu, donc c'est au bout du Pont Neuf côté Saint-Cyprien, pour soutenir leur action de blocage dans une action, on va dire, de convergence des luttes entre notre mobilisation et la leur. Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour se joindre aux grévistes du CHU demain à 9h à l'Hôtel Dieu? Qui est contre cette proposition? Et qui s'abstient? Très bien, donc là j'ai étudiante décide de rejoindre demain à 9h les grévistes du CHU de Toulouse à l'Hôtel Dieu. Deuxième proposition par ordre chronologique. Manifestation appelée par l'AG des personnels tout à l'heure, à laquelle il propose que les étudiants se rallient, mais également aux enseignants du secondaire, aux lycéens, lycéennes, aux parents d'élèves, etc., etc. Appelée jeudi à 14h, une manifestation en centre-ville de Toulouse, unitaire, et à laquelle on convie également l'ensemble des personnels et étudiants des autres universités de Toulouse. Donc sur cette proposition, qui ne prend pas part au vote? Qui est pour appeler à manifester jeudi à 14h en centre-ville de Toulouse? Qui est contre cette proposition? Et qui s'abstient? Très bien, donc on prend son agenda et on coche jeudi 14h, manifestation en centre-ville de Toulouse. Personnel, étudiant, enseignement supérieur, enseignement secondaire. Si ça va à tout le monde, je propose qu'on ne fasse pas forcément voter, mais le comité de mobilisation étudie les possibilités pour que les personnes qui veuillent se rendre en manifestation jeudi à 14h, ne soient pas pénalisés par leurs enseignants, ni en raison d'examen, de rendu de dossier ou de partiel. Ça, je pense que ça fait consensus, donc je ne le soumets pas au vote, mais on va essayer d'y travailler pour qu'un maximum de personnes puissent se rendre à cette manifestation-là. Il n'y a pas de lieu de rendez-vous, mais je vous invite à regarder les réseaux sociaux, sûrement qu'il y a un truc qui va émerger au niveau des personnels sur le lieu de rendez-vous jeudi à 14h. Donc ensuite, d'autres propositions qui n'ont pas forcément fait l'objet de débat, mais qui ont été soumises dans la discussion, donc qu'on propose de soumettre au vote. Après, on décolle parce qu'il y a urgence à aller exercer une pression importante. Alors, on me dit qu'on me souffle que le comité de mobilisation pourrait se réunir pour appliquer, on va dire, ce qu'on a décidé en Assemblée Générale ce soir à 18h. Est-ce que ça suscite des vives oppositions ou est-ce qu'on acte que le comité de mobilisation, qui on le rappelle est ouvert à toutes et tous les étudiantes et les étudiants, on se réunit en général en Maison des Solidarités. Voilà, c'est le bâtiment qui est avant la présidence, après le Gai Savoir, au rez-de-chaussée en MS14. Donc on propose que le comité de mobilisation se réunisse aujourd'hui à 18h. Donc proposition soumise au vote. Organisation d'une soirée, mercredi soir, dans cet amphi. Donc évidemment, le comité de mobilisation sera chargé de discuter des modalités et du contenu, mais donc ça reste en discussion, mais on peut voter le principe d'organiser une soirée. Donc cette proposition-là, qui ne prend pas part au vote ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc le principe d'organiser une soirée mercredi dans cet amphi est acté, à charge du comité de mobilisation de proposer les modalités. Dernière proposition, si je ne m'abuse, à soumettre au vote, et après on fera un récap des autres propositions, mais qui sont juste à mettre en pratique sans forcément faire l'objet d'un vote. Il s'agit d'organiser une action, a priori mercredi, à la suite de l'Assemblée Générale Commune Étudiant Personnel, une action d'interpellation, blocage, occupation à définir en direction des enseignants-chercheurs qui ont signé la pétition de soutien à Daniel Lacroix ce week-end. On a la liste de ces enseignants, par exemple. Donc ça veut dire que là, on vote le principe d'une action qui aura lieu mercredi à 14h et que le comité de mobilisation est chargé d'organiser pratiquement quel type d'action. Mais l'idée générale étant, on demande aux enseignants-chercheurs de nous rendre des comptes par rapport au fait qu'on soit majoritaire à la consultation, mais qui décide de soutenir un président qui ne respecte pas le vote démocratique. Voilà, si j'ai bien compris la proposition. Donc sur cette proposition-là, qui ne prend pas part au vote ? Oui, qui veut faire un appel au contre ? Moi j'appelle à voter contre pour la simple et bonne raison que oui, il y a des enseignants-chercheurs qui sont indécrottables, etc., qui sont des ennemis, mais qu'en fait nous on doit chercher à les convaincre, on doit chercher à en convaincre le plus grand nombre, qui sont des gens qui sont en balance, et à mon avis je pense que voilà, une action de type occupation, blocage ou je ne sais quoi, peut être quelque chose qui peut jouer plutôt en notre défaveur, et donc je pense que... On écoute juste Aria pour l'appel à voter pour la proposition. Voter pour ? J'entends qu'il y a des enseignants, des enseignants-chercheurs qui sont avec nous. Il y en a qu'il faut convaincre. Maintenant, les signataires de cette liste, ils ne sont pas avec nous. Merci. Les signataires de cette liste, c'est des personnes qui ne veulent plus de nous à l'université. Les signataires de cette liste, c'est des gens qui veulent une entreprise et qui veulent gérer une entreprise. Le but, c'est pas de dire que tous les enseignants, enseignants-chercheurs sont des pourris. Le but, c'est de dire que, certes, il y en a des biens, mais il y a aussi celles et ceux qui ont construit ce projet. Et que la croix d'émission, oui, mais les autres avec. Non, c'est un appel au vote par proposition, sinon on s'en sort pas. Donc, si tout le monde a bien entendu les arguments, on va passer au vote sur cette proposition-là. Donc, sur la proposition d'organiser... Je précise peut-être qu'il ne s'agit pas forcément d'aller leur péter la gueule. Parce que, voilà. Non, est-ce que ça pourrait apparaître comme ça, mais on peut faire des choses en bonne intelligence, on va dire. Hein, donc, voilà. Donc, sur le principe, qui ne prend pas part au vote ? Qui est pour organiser mercredi à 14h une action en direction des enseignants qui ont signé la pétition de soutien de la Croix ce week-end. Est-ce qu'on peut compter ? Parce que j'ai l'impression que ça potentiellement s'est serré. Donc là, c'est les pour. Levez bien la main en l'air, les pour. On va vous compter. Donc, la proposition est acceptée avec 80 pour, 36 contre et 45 abstentions, 43 abstentions. Donc évidemment, à charge du comité de mobilisation d'organiser l'action, on prend en compte évidemment le fait qu'il y a la mise en garde, que ce ne soit pas un truc violent ou stigmatisant ou quoi que ce soit, mais c'est... Donc l'Assemblée Générale est terminée. L'ensemble des propositions qui ont été faites non soumises au vote, bien évidemment, seront débattues en comité de mobilisation à 18h, dans la mise en application des différents mandats qui ont été décidés. On s'attend à l'entrée du bâtiment accueil pour aller à la présidence en soutien au personnel et à la délégation. On vous attend nombreuses et nombreux. Et d'ici là, on donne rendez-vous demain à 9h à l'Hôtel Dieu pour soutenir les grévistes du CHU de Toulouse. Mercredi à 12h30, en assemblée générale étudiants personnels ici dans l'amphithéâtre. Et jeudi à 14h en centre-ville de Toulouse, nombreuses et nombreux en manifestation. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée.